Pourquoi faire l'histoire des fleurs ? Il y a une trentaine d'années, l'anthropologue britannique Jack Goody s'est fait historien pour mener une vaste enquête sur la culture des fleurs. Son but était de montrer qu'il s'agissait d'un objet d'étude interdisciplinaire permettant de combiner les approches esthétiques, religieuses, économiques et politiques. Même si cet appel du pied n'a pas eu beaucoup d'écho dans notre corporation d'historiens, il a débouché malgré tout sur des recherches passionnantes dont je donnerai un exemple dans ma chronique d'aujourd'hui consacrée à la tulipomanie du XVIIe siècle. L'activité botanique connut un important renouveau en Europe au début du XVIe siècle. Stimulée par le développement des échanges sur le pourtour méditerranéen, les découvertes de nouvelles plantes enrichissaient constamment les connaissances des spécialistes. C'est dans ce contexte que des voyageurs européens découvrirent la tulipe à Constantinople dans un jardin du sultan Soliman le Magnifique. Le mystère de cette fleur, inconnue jusque-là en Europe, tenait à la distribution aléatoire des teintes sur les pétales. La multiplication des variétés que permettait leur panachage explique le formidable engouement des botanistes et des collectionneurs pour cette plante. L'une des conséquences majeures de cette passion pour les tulipes fut d'affaiblir la fonction religieuse qui dominait jusque-là dans la culture des fleurs au profit d'une valorisation profane à la fois sociale, culturelle et politique. Le culte de la tulipe contribua au succès d'une nouvelle catégorie de jardin, le jardin d'agrément, qui devint un élément indispensable pour conforter le prestige de tout hôtel aristocratique digne de ce nom. Ces jardins devinrent des lieux essentiels dans la sociabilité mondaine car on prit l'habitude d'y accueillir les visiteurs, ce qui contribua pour une large part à la circulation des fleurs dans le monde des élites. Parmi ces jardins de plaisir, l'un des plus connus était alors celui de l'hôtel de Rambouillet, célébré pour sa capacité à acclimater et à mettre en scène de nouvelles sortes de fleurs. En Hollande, et dans une moindre mesure en Grande-Bretagne et en France, l'attrait scientifique et esthétique pour la tulipe eut des conséquences très importantes sur le plan économique. Cet engouement alimenta en effet une frénésie d'échanges et de transactions financières. Désireux de profiter de ce commerce florissant, des acteurs de toutes les catégories sociales entrèrent en concurrence avec les horticulteurs patentés tout au long des années 1620. La croissance exponentielle des transactions ayant provoqué une hausse considérable des prix, la tulipe fut alors prise dans des pratiques financières habituellement réservées aux métaux précieux. Cette spéculation effrénée aboutit logiquement à un brutal retournement de la tendance au début de l'année 1637. La confiance s'envola, la demande se tarit, les prix s'effondrèrent et des faillites retentissantes défrayèrent la chronique. La tulipe n'a pas disparu pour autant. Aujourd'hui encore, les couleurs explosives de ses pétales forment un spectacle typique du printemps aux Pays-Bas, que l'on peut admirer grâce à de sublimes balades à vélo entre moulins et rivières.